Bonjour, Monsieur François Mbradeux. Nous sommes très heureux de vous réécouter. Je suis Nadia Kouna, en classe de terminale D1 dans un établissement à Séguéla. Je vous écoute depuis Séguéla. Merci donc, Nadia. Ma question est la suivante. Monsieur Godot, comment il faut gérer le temps lorsque nous sommes sur la phase préparatoire? C'est la question de Nadia Kouna. Comment il faut gérer le temps quand nous sommes sur la phase préparatoire? À Nadia, je dirais ceci. La phase préparatoire est, comme son nom l'indique, une phase d'entrain pour vous mettre dans le bain. D'accord. Donc, une fois que l'aspect compréhension a été dépassé, une fois que on a pu cerner le sujet, on a su cerner, le problème, on a pu bâtir le plan, normalement, cette étape-là doit prendre tout au plus 1 h 10 minutes, 1 h 15 minutes, pas plus. Parce qu'il y a la phase de la rédaction qui doit prendre, qui doit venir. Donc, pour gérer le temps, il faut aller à l'essentiel. Il faut surtout ne pas sauter. La première étape, c'est la compréhension du sujet. Parce que si le sujet n'est pas compris, vous risquez de faire soit un hors-sujet, ou bien intervertir, enfin trouver un mauvais plan. Vous allez prendre la thèse pour l'antithèse, alors que, bon, ce n'est pas cela. Alors, pour gagner du temps, il faut bien faire l'analyse du sujet. Il faut bien cerner les... Et puis, il faut bien se poser les questions. Si vous trouvez les mots-clés sont des mots qui sont en rapport avec le thème de l'information. D'accord. Par exemple, on vous dit, je dis comme ça, hein, la littérature nourrit l'âme et la rectifie. Donc, vous posez la question, de quoi est-il question dans ce sujet? De quoi me parle-t-on? Vous trouvez littérature, mots-clés déjà. Alors, qu'est-ce qu'on dit de la littérature? À partir de ce moment, vous allez voir que certaines autres notions contenues dans la formulation vont apparaître automatiquement. Une fois que c'est fait, vous allez automatiquement à leur sens contextuel et à partir de là, le problème apparaît. D'accord. Donc, il faudrait que ça soit paramétré, mais je dois aussi signaler que cela obéit aussi à un entraînement. Même nos grands joueurs, ceux que nous admirons tous, ils ne se lèvent pas comme ça pour aller au terrain. Ils s'entraînent d'abord. Donc, c'est avec l'entraînement que certains automatismes vont venir et qui vont permettre de gagner du temps. D'accord. Bonjour monsieur, moi mon nom c'est Aoutou Yao de la terminale A2. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est forcé de prendre le résumé de l'œuvre pour donner comme illustration? C'est la question de Aoutou. Non, comme je le disais tout à l'heure, c'est une tendance des élèves qui, je trouve, qu'ils sont un peu pollués par certaines publications qui se contentent juste de faire des œuvres et puis on le met dans le petit commerce. Non, c'est pas l'œuvre qu'on attend. Le correcteur du bac ne s'attend pas à ce que vous lui donniez le récit, un récit qu'il sait déjà. Il s'attend juste à ce que vous arriviez à lui prouver que vous êtes à même de conduire une réflexion à l'aune de vos connaissances littéraires. Donc ce qu'il attend, c'est que vous puissiez prendre un exemple précis qui rentre dans la perspective de votre rédaction. D'accord. Voilà ce qu'on attend. Si vous dites que Candide l'optimise est allé faire le tour du monde pour pouvoir vérifier un concept philosophique, c'est pas ça vraiment que l'auteur attend, à moins que le sujet vous l'ait expressement donné. Voilà ce que je peux dire. Merci Monsieur Godot. 49 35 80 89 42 78 45 98. Vous pouvez nous appeler pour poser vos questions sur la toute première partie, le temps de nous préparer pour la deuxième partie qui est donc la phase de rédaction. Je reçois un autre message. Bonjour Monsieur Mbra, nous attendons à pied ferme votre émission en anglais que nous attendons depuis quelques jours. Je suis sûr que ça va se produire dans quelques temps. Je voudrais féliciter les établissements Henri Poincaré et le directeur général et tous ses collaborateurs et l'enseignant sur le plateau. Dernier message que je vais lire. Cette fois-ci, la personne n'a pas écrit son nom, mais elle a simplement dit « Bonjour tonton, je vous écoute depuis San Pedro. Je voudrais tout simplement savoir, pour pouvoir faire une bonne dissertation littéraire, est-ce qu'il faut forcément lire les œuvres au programme ou bien plusieurs œuvres qui peuvent contribuer à réussir sa dissertation littéraire. » Alors, la personne n'a pas signé, mais la personne nous appelle tout simplement tonton. Bon, c'est déjà gentil, ça part. Ce que je pourrais dire à l'endroit de cette personne, c'est que la question qu'elle pose comporte déjà certains éléments de la réponse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de plus en plus, on dit explicitement aux élèves, aux candidats, de répondre à la lumière des œuvres qu'ils ont lues étudié en classe ou issu de leur lecture personnelle. D'accord. Donc, s'il y a des œuvres qui n'ont pas forcément lu en classe, mais qui émanent de leur propre initiative, il n'y a pas de problème. Seulement, il faudrait que ce soit des œuvres littéraires. C'est tout. Et ça, c'est vraiment... Il faut différencier les œuvres littéraires et puis des ouvrages. Ok. Voilà, c'est vraiment différent. Dans l'œuvre littéraire, il y a une dimension créative. C'est vraiment ça qui fait que c'est une œuvre, c'est de l'art. Alors que un extrait de journal, par exemple, n'est pas une œuvre littéraire. D'accord. Voilà. Merci à vous, Monsieur Godot. Amis auditeurs, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission, donc la phase de rédaction de la dissertation littéraire. Monsieur Godot, lorsqu'on parle de dissertation, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la phase préparatoire. Après la phase préparatoire, c'est la phase de rédaction. Quelles sont les étapes à parcourir lorsque nous sommes dans la phase de rédaction, à commencer par l'introduction? Alors, vous venez peut-être d'en foucher un peu la chose, c'est qu'il y a fondamentalement trois parties, enfin qui correspondent à la façon dont on raisonne. D'accord. Puisque c'est le raisonnement qu'on produit, ben, c'est lui qui fait l'objet de la dissertation. Okay. Donc il faut d'abord introduire, préparer le correcteur, ouvrir un peu le propos qu'on va faire et puis dans lequel on précise un certain nombre de points. C'est pourquoi il y a trois parties. D'accord. Il y a trois parties dans l'introduction. Dans l'introduction. Oui. D'accord. En littérature, on n'est pas brutal. On commence doucement. Donc, on commence par une généralité. Mais quand on dit généralité, souvent, je trouve que le thème est un peu trop général. On commence par emmener le sujet. Et d'accord. Cela se fait de façon progressive. On peut partir d'une définition, on peut partir d'un constat, on peut partir... Lorsqu'on dit que la littérature inspire les hommes, bon, vous pouvez dire, mais tiens, on se rend compte, par exemple, que dans tous les centres de formation, il y a toujours une bibliothèque. À quoi ça obéit? Normalement, un élève de terminale est capable de faire cette remarque-là. D'accord. Chaque fois qu'il y a centre de formation, il y a forcément une bibliothèque. Ça veut dire qu'il existe un rapport, même s'il n'est pas, visible, mais il y a un rapport vraiment entre la lecture, donc littérature, et la formation. D'accord. Donc, à partir de là, à partir de cette formulation-là, on passe à une autre étape. Cette étape-là doit poser le problème. Donc, la deuxième étape, on pose le problème. Quelquefois, on parle de problématique. Moi, je pense que c'est poser le problème pour faire ressortir l'aspect formulation, c'est-à-dire l'aspect écriture. C'est tout, l'aspect rédaction. Donc, on pose le problème. Cela se fait en une ou deux phrases. Mais d'un premier temps, il faut insérer le sujet, s'il n'est pas long. D'accord. Et si le sujet est long, qu'est-ce qu'on fait? Si le sujet est long, on se contente de sa réformulation. La réformulation. Voilà. Est-ce que réformulation veut dire dans ses propres thèmes ou dans son... Toujours oui, gardant oui, le sens? Oui, dans une expression personnelle. D'accord. Voilà, c'est réformuler, c'est dire autrement. Donc, il faut dire tel que vous avez compris. D'accord. Après cela, on passe maintenant à l'annonce du plan. D'accord. Il faut annoncer le plan. Il faut dire au correcteur, voilà la direction dans laquelle je vais et voilà les étapes que je franchis. D'accord. Alors, il ne s'agira pas de dire simplement, bon, comme la consigne, c'est commenter. Bon, dans notre analyse, nous allons commenter. Et ceux qui disent ça, vous n'avez pas annoncé le plan. C'est ça. Vous dites, bon, dans une première partie, nous allons nous attacher à montrer comment la littérature instruit. Okay. Donc, la valeur instructive de la littérature, ensuite la valeur divertissante de la littérature, par exemple. Vous aurez dit au correcteur, dans ce cas, ah, ben, il va d'abord parler de la qualité instructive, ensuite du caractère. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est suffisamment clair. Mais si vous dites, nous allons discuter, parce qu'on vous a donné comme consigne discuter, ou bien nous allons commenter, parce qu'on vous a donné comme consigne commenter, vous n'avez pas fait œuvre d'originalité. C'est ce que, bon, tout le monde ferait, et ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. D'accord. Il y a un thème standard à la lumière de notre analyse. À la lumière de notre analyse, est-ce que ce thème-là répond effectivement à l'attente? Bon, tout dépend de l'orientation de laquelle, enfin, l'orientation que prend l'argumentation. D'accord. Celui qui parle, s'il veut dire que bon, il s'est appuyé sur une analyse pour pouvoir faire une sorte de conséquence, pour tirer une conséquence. Bon, il peut le dire. C'est une expression qui existe, mais ça ne doit pas être galvaudé, ça dit que ça ne doit pas être utilisé à tort et à travers. À la lumière de signifie à la conséquence, donc une conséquence de ce qu'on a dit tantôt. D'accord. Alors, je résume pour la phase de rédaction. Nous commençons par l'introduction. Et l'introduction a trois parties. Oui. Il faut d'abord amener le sujet, oui. Donc par des généralités en rapport avec le sujet. On peut partir d'une définition, oui. D'un constat, d'une remarque esthétique, etc., etc. Par la suite, on pose le problème. Oui. C'est toujours dans l'introduction. Oui. Poser le problème, c'est insérer le sujet, oui. Le sujet, pardon, surtout s'il n'est pas long. Oui. Si le sujet est long, il faut reformuler. Oui. Après, on annonce le plan. Et l'annonce du plan, c'est de dire les étapes de la réflexion dans le développement. Tout à fait. C'est cela. Oui. Mais je voulais quand même insister une chose, c'est que dans poser le problème, on essaie effectivement le sujet quand il n'est pas long, mais même quand il est court, une fois qu'on l'a inséré, on doit faire accompagner de la reformulation pour montrer au correcteur qu'on a compris. D'accord. Et c'est après cette reformulation qu'on pose les questions qui font faire ressortir le problème. D'accord. Alors, quelles sont les fonctions de la littérature, comment le personnage traduit-il sa similarité avec le réel. Bon, ça sont des questions qu'on peut se poser. D'accord. Mais c'est l'ensemble qu'on appelle poser le problème. Ok, on va profiter rapidement pour ce message. Bonjour monsieur, vous êtes sur le plateau, je suis très heureux de vous écouter. Je vous appelle de Grand Laou, je vous envoie pardon ce message de Grand Laou. Je voudrais savoir quelle est la différence entre résumé et dissertation littéraire. Et l'autre question est de savoir en combien de paragraphes on peut faire l'introduction de la dissertation littéraire. Très bien, je vais commencer par la dernière préoccupation. L'introduction de la dissertation littéraire se fait en un seul paragraphe. C'est-à-dire qu'en commençant, vous respectez un alinéa, c'est-à-dire vous laissez un peu de place, je fais un ou deux carreaux, et puis bon, vous continuez jusqu'à la fin. Et il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'espace à l'intérieur, parce que la présentation compte. Donc, un seul paragraphe pour l'introduction de la dissertation littéraire. Ensuite, il a parlé d'une autre... il veut savoir la différence entre résumé et dissertation. Bon, c'est deux exercices différents. C'est ça. Dans le premier, on vous donne un texte d'une certaine longueur et on vous demande d'en restituer l'essence, c'est-à-dire le contenu. On vous donne une marge, une proportion de mots que vous devez respecter. Dans la dissertation littéraire, c'est différent. C'est conduire une réflexion personnelle, c'est-à-dire que c'est vous et vous seul qui démontrer au correcteur que, bon, à partir du bagage culturel que vous avez, vous êtes, et des connaissances méthodiques que vous avez acquises, vous êtes capable, vous seul, de porter un jugement et de le démontrer jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Donc, d'accord. L'orientation n'est pas la même. Ok. Voilà. Alors, nous avons un autre SMS qui nous vient de Canet, amenant Judith. Bonjour monsieur, je vous appelle depuis Abidjan. J'aimerais savoir quelles sont les différentes étapes pour annoncer le sujet dans l'introduction. Pour annoncer le sujet dans l'introduction, bon, je voulais savoir ce qu'elle peut-être veut entendre par annoncer, mais parce qu'à l'annonce du plan, là c'est différent. L'annoncer le sujet, ou lorsque vous finissez de faire votre généralité, et que, parce qu'elle doit. Cette généralité-là doit vous permettre de pouvoir poser votre problème. D'accord. Poser le problème signifie que vous devez automatiquement trouver une phrase qui annonce le sujet. Ok. Bon, on se rend compte, je prends un exemple comme ça, hein. Vous voulez juste montrer que la littérature insulte l'homme. Bon, votre introduction peut commencer en partant du constat que, bon, ben, chaque fois qu'il y a centre de formation, il y a toujours bibliothèque. Donc, ce rapport-là fait ressortir une vérité qui est difficile à cacher, c'est que c'est en lisant qu'on s'instruit. D'accord. C'est la littérature donc qui instruit. Okay. Et c'est cela qui permet, qui envoie certainement la citation qu'on vous a donnée. Et vous insérez la citation. Donc, vous pouvez le faire de deux façons. Soit vous faites discours indirect, donc vous commentez. Ou bien vous faites discours direct, vous faites deux points, ouvrez les guillemets, et puis vous citez in extenso. Une fois que cette citation est achevée, vous pouvez donc passer à la reformulation avec des techniques qu'on leur a montrées. Utiliser un connecteur d'explication ou bien d'addition. Bon, autrement dit, en d'autres termes, en clair, et puis vous donnez la reformulation. Après ça, vous posez le problème. C'est-à-dire, vous posez les questions qui sont sous-jacentes le questionnement qui suit. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez annoncé votre sujet et vous avez en réalité posé votre problème. Parce que l'annonce du sujet ou l'insertion du sujet, sa reformulation, les questions, cet ensemble-là C'est ce qu'on appelle poser le problème. D'accord. Bonjour monsieur, merci à vous pour cette émission. J'aimerais savoir comment insérer le sujet. Je suis Franck en terminale A, j'habite Belleville. Pour insérer le sujet, comme je le disais tout à l'heure, cela peut se faire de deux façons. Insérer le sujet sous forme de discours direct. C'est-à-dire que, bon, vous dites c'est justement ce qui a permis ou bien ce qui a suscité l'observation de tel ou de telle critique dans ces thèmes. Deux points, vous ouvrez les guillemets, et vous citez exactement ce qui a été dit, vous citez le sujet, c'est-à-dire l'information. Ou bien vous pouvez faire un autre choix, c'est que par exemple le sujet est long, ou bien vous pouvez faire le choix de la reformulation. Donc, vous pouvez citer, mais cette fois-ci en utilisant le discours direct, le discours indirect. D'accord. Au lieu de mettre deux points, vous les guillemets, vous dites, vous faites apparaître une conjonction de subordination. Bon, c'est cela qui a occasionné cette observation du critique en disant que la littérature instruit les hommes, instruit ainsi de suite. D'accord. Donc, ce sont deux possibilités qui passent normalement. Alors, la même personne pose la question de savoir est-ce que le problème doit être une phrase interrogative? Pas toujours. Pas toujours. Normalement, quand on est en phase d'apprentissage, on procède, parce qu'on ne maîtrise pas encore beaucoup de choses, on utilise la forme interrogative directe. C'est-à-dire, on a une question, une point d'interrogation à la fin. D'accord. Lorsqu'on commence à... Et c'est l'objectif. C'est pourquoi chez nous, en littérature, on ne rédige pas in extenso. L'objectif, c'est que l'élève, le candidat, doit être capable, lui seul, de pouvoir poursuivre. Et quand il y arrive, il se rend compte que poser toujours des phrases interrogatives directes, c'est difficile. Enfin, c'est pas intéressant. Il peut le faire sous forme interrogative indirecte, ça veut dire que ce sont des phrases déclaratives. Ou bien, il peut le faire aussi en utilisant, par exemple, le conditionnel. En utilisant une phrase déclarative, c'est vrai, mais en utilisant le conditionnel. La littérature aurait plusieurs fonctions. D'accord. Quand il dit ça, c'est une hypothèse qu'il donne. Il n'est pas en train d'acerter. Donc, dans ce cas, on l'écoute, c'est comme s'il avait posé la question. Ok. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et ça, c'est l'entraînement qui permet, parce que rédiger, tout le monde ne sait pas faire. C'est l'entraînement qui permet maintenant de consolider certains acquis et puis bon, de faire ressortir la maîtrise qu'on attend de l'enfant. Merci, monsieur Simplice Godot. Amis auditeurs, vous nous suivez aujourd'hui pour parler de littérature, comment réussir le sujet de dissertation littéraire au baccalauréat. Et nous en parlons avec monsieur Simplice Godot. Il est enseignant des lettres aux établissements Henri Poincaré. Sachez que c'est face à la situation actuelle, la crise sanitaire qui sévit dans le monde entier, que les établissements Henri Poincaré Boisquet ont trouvé donc une alternative. Rester à la maison, mais apprendre à travers la radio. Donc, ce e-learning, nous sommes à notre deuxième séance avec M. Godot. La première séance était la philosophie avec Dr. Christian Yao, M. Irié Giraud. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Simplice Godot. Toujours dans la phase de rédaction, nous venons de parler de l'introduction. Passons maintenant au développement. Alors, M. Godot, comment passer de l'introduction au développement? Le lien, c'est quoi? Le lien, c'est l'analyse c'est l'annonce du plan. L'annonce du plan. Voilà, l'annonce du plan, on passe au développement. Là, maintenant, on peut passer au développement. Alors, les différentes parties du développement. Juste avant, je voulais juste relever deux choses. La rédaction telle qu'on l'a fait, elle a un double intérêt. D'accord. C'est d'abord, premier intérêt, c'est que celui qui rédige doit annoncer le propos général de sa dissertation littéraire. Okay. Le second intérêt est très souvent on le sent plus à l'examen, parce que la correction de classe n'est pas vraiment la correction de l'examen. En classe, bon, on a le temps, alors qu'à l'examen, on n'a pas toujours le temps. D'accord. Donc, le deuxième intérêt, c'est de susciter justement l'envie du correcteur. Okay. L'introduction n'est pas là juste parce qu'on le dit, on en parle. On fait une introduction pour que celui qui va corriger ait l'envie de lire la suite. D'accord. C'est vraiment important. S'il n'a pas envie parce que le travail est sale, c'est un peu comme la porte d'entrée. Vous avez votre chambre et puis la porte d'entrée, il y a des salamandres, il y a des toiles d'araignée. Même si l'intérieur est propre, celui qui va voir l'entrée de la porte, le seuil de la porte avec toutes ces saletés, il va se dire une chose certainement. Il fera une erreur certainement. Mais il va se dire, si la porte, l'entrée déjà de cette chambre est pleine de salamandres, est pleine d'araignées, est pleine de saleté, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas bon. D'accord. Et il ne voudra plus rentrer. C'est la même chose. Parce que ceux qui courent sont des hommes. Donc, si votre introduction n'est pas bien travaillée, et qu'elle est sale, elle est pleine de ratures, elle n'est pas cohérente, il va se dire que si l'introduction qui est plus petite est comme ça, ben à l'intérieur, le développement ne sera pas du tout intéressant à lire. Et il pourrait être tenté, ça peut arriver, il pourrait être tenté de ne pas lire le développement. D'accord. Justement, à propos de lui, le développement, ben, c'est vraiment là. C'est pourquoi c'est la partie la plus longue. C'est dans le développement qu'on a, on a toute la démonstration qui doit répondre aux problèmes posés. Alors, il y a un certain nombre de parties en fonction du plan. Il y a certains plans où le nombre de parties est connu, par exemple le plan dialectique, qu'on donne très souvent aux examens. Le plan est connu, on sait qu'il y a une terre, il y a une antithèse, il y a une synthèse. Et puis ensuite, il y a un autre plan, un autre type de plan qu'on appelle le plan analytique, ben, où le nombre de parties dépend en fait de notions à expliquer. D'accord. Donc il s'agira maintenant à l'enfant de cerner ces notions-là et puis de trouver deux ou trois ou quatre parties, ça c'est selon. Mais dans tous les cas, le travail qu'il doit faire, c'est qu'à l'intérieur de chaque partie, il faudrait que les idées qu'il a eues à rechercher dans la phase préparatoire puissent être données de façon claire et cohérente. D'accord. Donc il a une grande phrase introductive qui annonce. Parce qu'il n'y a pas de style télégraphique. On ne donne pas de titre. Ou bien on ne fait pas semblant de donner le titre. Certains élèves disent, bon, ils commencent le développement comme ça. La littérature instruit. Et puis il met point. Et puis il continue. C'est comme s'il avait donné un titre. C'est pour montrer au correcteur que c'est maintenant que lui va parler de ce caractère-là. Alors que ce n'est pas nécessaire. D'accord. On pourrait l'annoncer simplement en disant, bon, la littérature, à travers les œuvres littéraires, apporte un certain nombre de connaissances aux hommes. Quand il le dit, ben, la phrase qui va suivre va expliciter ce qu'il vient de dire. Voilà comment ça se passe. Donc, il faut qu'il respecte un schéma argumentatif. Tout à l'heure, je n'en ai parlé. Il annonce l'idée, il explique l'idée et il illustre cette idée-là. D'accord. Alors, toujours dans le développement, comment nous devons construire les paragraphes? Est-ce que un paragraphe, c'est une idée, c'est deux idées, c'est trois idées? Non, un paragraphe, c'est une idée. Une idée. Une idée correspond à un paragraphe. D'accord. Une fois qu'on a changé d'idée, on fait un alinéa pour montrer qu'on a changé d'idée et ça dit un nouveau paragraphe commence et puis c'est une nouvelle idée. D'accord. Pour chaque partie, ce qui est recommandé, c'est de faire deux idées. C'est vraiment suffisant. On peut en faire plus. Seulement, il va falloir veiller à l'équilibre des différentes parties. Vous ne pouvez pas être inspiré dans la thèse et puis l'antithèse brouillard comporter une seule idée. Ok. Donc, ça ne sera pas cohérent, ça ne sera pas équilibré. C'est pourquoi nous recommandons deux idées. Par partie. S'il y a trois parties, deux idées, ça fera six paragraphes. Six petits paragraphes. S'il n'y a que deux parties, bon, ça fera deux idées par partie, ça fera quatre paragraphes. D'accord. Voilà ce qu'il faut dire. Alors, un message qui nous vient de Soubré. Bonjour, monsieur, je suis Rihanna Kone. Je vous envoie ce message de Soubré. Je voudrais savoir, lorsque nous faisons la dissertation, au niveau du développement, comment est-ce qu'il faut gérer le temps? Est-ce qu'il faut tout copier au brouillon avant de mettre sur sa copie à l'examen? Alors, ce n'est pas du tout recommandé parce que les 4 heures qu'on donne, c'est pour un travail, c'est pour une rédaction, c'est pour un seul travail, je l'ai dit. C'est pas pour faire deux tâches. D'accord. Il ne s'agit pas de faire deux devoirs en 4 heures. On vous donne un travail en 4 heures pour le développement. Une fois que la phase préparatoire a été bien cernée, on n'a plus besoin de pouvoir mettre au propre. Normalement, on est censé être capable de pouvoir aller directement au propre. Et c'est ce que je recommande. D'accord. L'introduction, vous pouvez travailler un peu au brouillon. Ça peut arriver. Mais à partir du développement, c'est défini. Puisque là, vous savez où vous allez. Vous avez même les moyens pour y aller parce que vous avez déjà fait ce travail-là dans la recherche des idées. Donc, c'est une affaire de rédaction, d'appréciation du style, la façon d'écrire, voilà, c'est tout. Donc, on n'a pas besoin de faire d'abord oublions le développement et puis ensuite le reporter. Il y en a qui le font, mais c'est difficile parce qu'ils payent après. Ils n'ont pas le temps de le lire et puis bon, souvent ils finissent en catastrophe. On a oublié de leur arracher la copie. D'accord. C'est pas bon. Merci. Bonjour, monsieur Mbra. Très heureux de vous réécouter. Je suis Khalifa Kone Messan. J'habite au sud de la Côte d'Ivoire. Alors, ce n'est pas bien défini, mais je voudrais simplement féliciter les établissements Henri Poincaré. Quand j'entends ce nom, je suis très heureux parce que je m'attends toujours à des innovations. Rendez-vous pour les mathématiques à partir de 11h, comme vous l'avez indiqué sur le groupe WhatsApp. Merci infiniment. Donc, félicitations aux établissements Henri Poincaré qui sont félicités de part et d'autre. Et c'est effectivement les innovations aux établissements Henri Poincaré qui permettent de savoir que face à une situation, on peut réellement trouver une solution. Alors, lorsque nous sommes dans le développement, vous avez parlé de seulement la rédaction se doit d'être soucieux de la présentation. Donc, un paragraphe égale à une idée. Une idée. Donc, deux idées suffisent pour... une partie. Pour une partie. Voilà. D'accord. Alors, la transition, comment ça se fait? Parce que souvent, on parle de transition entre les deux paragraphes. Comment oui, ça se fait, oui, oui. Ça se fait. Est-ce que c'est là ce qu'on appelle la petite transition? Oui, on pourrait le dire, c'est une transition de moyenne importance parce qu'elle ne relie que deux paragraphes à l'intérieur d'une même partie. Je dis simplement ceci, vous avez parlé d'un premier temps, vous êtes dans une partie dont l'objectif est de montrer que la littérature instruit. Okay. D'un premier temps, vous voulez dire, bon, la littérature instruit en nous faisant découvrir des connaissances historiques. Mais il n'y a pas que les connaissances historiques, il y a aussi des connaissances de type culturel. D'accord. Donc, quand vous dites ça, c'est une transition qui vous permet de parler justement de la connaissance culturelle que la littérature apporte aussi. Ok. Voilà. Donc, ça peut se faire en une phrase. Voilà. C'est pas vraiment une transition d'une certaine envergure qu'on attend. Ok. C'est juste une petite phrase pour passer à autre chose. Mais c'est lorsqu'on se trouve entre des parties que là, on peut s'appuyer sur un petit bilan, un petit récapitulatif qu'on fait de la première partie. Ah bon, ben, la littérature, comme nous venons de le constater, s'attache vraiment à instruire l'homme. C'est pourquoi elle est réservée. Ce ne sont pas les animaux qui lisent, ce sont les hommes qui lisent. D'accord. Et comme ce sont les hommes qui lisent, ben, s'ils sont instruits, ils sont aussi capables de découvrir autre chose dans la littérature. Là, on vient de faire une transition d'une certaine envergure, mais qui va permettre d'annoncer une autre partie. Voilà, d'accord. Là, ça marche. Merci, Monsieur Godot. Une autre question. Bonjour, je suis Kwame Stéphane. Je vous envoie ce message depuis le quartier de Kennedy à Boaké. Je voudrais tout simplement dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je voudrais savoir, est-ce que lorsque nous partons à l'examen, concernant le cas de cette année, comment l'examen va se passer? Bien, là, cette question, je crois que M. Godot, c'est vrai, il est sur le plateau, mais nous allons transmettre la question aux plus hautes autorités, à qui de droit pour voilà. Pouvoir poser, en tout cas répondre à votre préoccupation. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez nous envoyer des SMS et vous exprimer. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Votre nom? Oui, je suis monsieur Kwaku Marcelin. Monsieur Kwaku Marcelin. Le directeur général de l'établissement Henri Poincaré. Bienvenue sur Gwek FM. Merci à vous. Et nous vous écoutons. Alors, j'appelais juste pour un tout petit message. D'accord. Je voudrais au passage remercier très sincèrement Radio Gwek FM. D'accord. Pour tout ce que vous faites pour nos établissements. Ok. J'étais tout à l'heure en studio et j'ai eu une petite contrainte. Je suis quand même l'émission. D'accord. Je voudrais donc, sans tomber dans une sorte de satisfaction totale, absolue. D'accord. Féliciter les établissements de Saint-Carré et surtout notre invité du jour. Ok. Monsieur Godot. Je vous remercie, merci beaucoup. Voilà, je voudrais dire tout simplement que je suis très, très, très fier de lui, de la prestation. C'est vrai que nous sommes en pleine émission, mais j'ai appelé pour le féliciter. D'accord. Et surtout demander à nos élèves, de rester très, très, très concentrés sur tout ce qui est en train d'être dit. D'accord. De prendre des notes. De prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes, parce que c'est très important pour eux. Je ne souhaite pas qu'ils écoutent tout simplement et qu'après, ils aient tout oublié. D'accord. Je voudrais insister sur cette affaire-là. Alors, je voudrais vous laisser continuer l'émission. Encore bravo à Bégué FM et les établissements de Saint-Carré. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur le directeur. Je rappelle que c'est Dr Kouakou Marcelin, directeur général des établissements Henri Poincaré, qui appelait donc pour féliciter Becquet FM et l'inviter sur le plateau. Félicitations à vous également, Dr Kouakou. Sachez que les établissements Henri Poincaré sont félicités. Les gens nous appellent, nous envoient des messages de part et d'autre. Becquet FM, jusqu'au bout du monde.